gamin et un vieil ours qui ne tolère que son instinct. Et quand sa main s'agite, n'a qu'une certitude de déchirer les reins pour que tout s'arrête un peu. Et il tolère ses vieux comme il te tolérerait si t'étais pas qu'un gamin, un petit morceau de rien qui se profile en magie et n'est que poudre aux yeux, mais qui veut exister, jouer très bien le jeu. Gamin, t'as peur du bruit, attaque, tu crains ta rue, attaque, réponds la nuit, attaque, tu meurs d'ennui, gamin. Et ta vieille ours qui marche sur tes idées en inventant le peu qui reste à inventer. Ses yeux ont mille regards et se ferment bien souvent. Ils sont bleus, ils sont noirs, remplis de joie ou de désespoir. Ils sont petits ou grands, ça dépend du moment. Ils savent sentir, découvrir ce que les gestes cherchent à cacher. Ils posent des questions, donnent souvent des réponses, se prennent à juger et à oublier. Gamin, t'as peur du bruit, attaque, tu crains ta rue, attaque, réponds la nuit, attaque, tu meurs d'ennui.